justicia, carajo! Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. Articles 13 et 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Demande promesse de justice. Chat! Well, non, man, écoute ça!